Alors, je vais parler du livre et après de Guillaume Musso. Alors, c'est un livre qui se lit très bien, très vite. Pas enfin, très vite. Oui, je pense que globalement, c'est un livre qui se dévore assez bien. D'une part, parce que l'histoire est bien prenante, et puis d'autre part, parce que le style est très, très direct, très vif. Pas de longue description. Et donc on s'y sent tout de suite. Il n'y a pas besoin d'un certain temps pour être dans l'histoire. Alors, c'est l'histoire d'un homme. Et juste derrière l'homme, c'est l'histoire d'un couple. Alors on commence l'histoire alors qu'un couple. Un homme vit seul, il s'appelle Nathan Delamico. Il vit seul, il a divorcé d'avec sa femme, comme diraient les inconnus. Et donc sa femme qui s'appelle Mallory, qui est partie, qui l'a quittée, et qui est partie avec leur fille, Bonnie. Bonnie, voilà, c'est leur fille. Petite fille qui a, je sais pas, 5, 6 ans, 6 ans. Voilà, et donc c'est les états d'âme de cet homme. Voilà. Alors cet homme, c'est un avocat qui vit à New York. Sa femme est partie à San Diego, donc à l'opposé du pays. Donc c'est un avocat très renommé, grand travailleur, qui gagne très bien sa vie. Voilà. Mais qui habite à côté, juste un appartement qui donne sur Central Park, dans un immeuble de très très très haut de gamme. Voilà. Bon, alors, que se passe-t-il? Eh ben, un beau jour, quelqu'un vient le voir. Un médecin, un chirurgien, qui finit par lui expliquer qu'en fait, il est un messager et que sa fonction est de préparer les gens à mourir. Et que donc, il est venu le voir. Voilà. Alors, bon, bien sûr, il n'y croit pas, hein, Delamico, hein, Nathan, hein, il n'y croit pas du tout, forcément. Bon. Voilà, mettons-nous à sa place. Et puis l'autre l'envoie pour lui prouver en fait qu'il sait qu'il va mourir, parce que lui il le voit, il y a une auréole blanche, un halo blanc lumineux derrière la tête de ceux qui vont mourir. Voilà. Et bien pour lui prouver ça, il le met sur la piste, sur la voie, la route d'autres personnes. Je crois qu'il y en a deux, trois, deux, enfin deux principalement. Et sitôt qu'il les rencontre, ou peu de temps après, elles meurent, les pères. Donc il comprend qu'en fait, et puis alors elles meurent de façon complètement imprévisible. À la limite, c'est même Nathan qui en est la cause une fois. Bon, enfin là, ça devient un peu chouks. Enfin, tout ça pour dire que il finit par croire le messager. Et donc, il est persuadé qu'il va mourir. Alors, ensuite, ensuite, c'est ses états d'âme, hein, parce qu'il a une douleur à la poitrine à ce moment-là. Donc, il est persuadé qu'il va mourir d'une crise cardiaque. Donc, il fait des examens sur le cœur et a priori, tout va bien. Bon, enfin, voilà, ce genre de choses. Bon. Et puis alors il est encore très amoureux de sa femme. On raconte qu'ils se sont séparés parce qu'ils ont eu que leur deuxième enfant, un petit garçon, est mort. Est mort très jeune, il y avait quelques mois, je crois. Et ça, finalement, ça les a séparés un peu plus parce que le chagrin de l'une plus le chagrin de l'autre. Nathan, d'ailleurs, s'étant réfugié dans le travail, donc s'étant éloigné un peu plus de sa femme. Et sa femme, elle, était absente le soir où il est mort, et donc s'en veut. Pour un peu, elle se dit que si elle avait été là, il serait pas mort, donc elle s'en veut. Elle peut même en vouloir implicitement à Nathan, parce que lui, il a juste couché son fils. Bon, bref. Voilà en gros. Donc, sur leur couple, il faut savoir qu'ils se sont rencontrés quand ils étaient tout petits. Genre 7-8 ans, voilà. 6, peut-être même 6 ans pour elle, qui est un tout petit peu plus jeune. Il était le fils de la femme de ménage des parents de Mallory, qui était de très riches bostoniens, le père étant grand avocat sur la place de Boston. Voilà. Et donc, ils se sont rencontrés enfants et Nathan a sauvé Mallory de la noyade. Il a d'ailleurs failli en mourir, il est tombé dans le coma. Et en discutant avec le médecin, a priori, on sait que il a fait ce qu'on appelle une near death. Enfin bref. Il est passé tout près de la mort, donc c'est une expérience de la mort, je sais plus comment ça s'appelle. Near death experience. Une NDE, en anglais, je crois que ça doit être ça. Donc, il a. Bon, on sait juste que, suite à sa discussion avec le médecin, que, a priori, il a vu quelque chose quand il a failli mourir, qui l'a fait revenir. Mais il veut pas s'en souvenir. Voilà. Bon, parce que c'est trop douloureux. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Alors, donc il n'était pas avec cet état d'âme parce que sa femme l'a quitté. Puis l'autre, il lui a dit qu'il fallait se préparer, donc que le rôle des messagers c'était de préparer les gens à mourir. Donc lui, bon, il essaye de se préparer. Puis finalement, il décide d'aller voir sa femme là-bas pour aller chercher sa fille pour passer quelque temps avec elle. Bon, sa femme est un peu froide, ils ont une explication, mais finalement, ça se réchauffe bien entre eux. Mais bon, ça s'arrête là, quoi. Il part avec sa fille sur la côte est. Il a promis à sa femme qu'il apporterait sa fille 2 jours chez ses beaux-parents, avec qui il s'entend très très mal, pour de sombres histoires de. Bah, en fait, ses parents voulaient pas qu'elle se marie avec un pauvre gars comme ça. Bon, voilà, il y a de sombres histoires, voilà. Donc il apporte sa fille chez ses beaux-parents. Là, il avoue à son père quelque chose d'assez important. En fait, il y a eu un. Enfin, à son père, au père de Mallory, quelque chose d'important. Ils se sont fâchés. Ils se sont fâchés quand il était. Enfin, il y a quelques années plus tôt, sur un procès. Bon, ils s'entendaient déjà pas très bien, mais bon. Et là, il y a eu un procès entre eux. Donc. Nathan a fait en sorte de battre le père de Mallory à un procès. Et là, il avoue à cet homme que, en fait, il a triché, il a acheté le juge. Voilà, le père de Mallory lui répond que, finit par lui dire que, en fait, il le savait, que l'autre, le juge, l'avait prévenu et qu'il avait payé lui-même le double au juge pour que, d'une part, il dise rien. Donc, qui sauve la peau de Nathan, et d'autre part qu'il laisse quand même Nathan gagner. On comprend que finalement c'était parce qu'il se sentait coupable, parce qu'il avait accusé la mère de Nathan, la femme de ménage, d'avoir volé un bijou. Or ce bijou, il l'avait laissé, ou enfin pas il l'avait laissé, mais sa maîtresse, il y a des années, avait pris ce bijou. Il s'en doutait, il a quand même accusé la femme de ménage pour se couvrir. Sa femme, on ne sait pas trop si elle s'en doutait ou pas. Enfin, toujours est-il que qu'il était un peu l'instrument du malheur de Nathan quand il était petit, même si en douce, derrière, il avait payé une bonne partie de la scolarité de Nathan, chose que la mère de Nathan n'avait pas pu lui offrir. Il avait aussi fait en sorte de retrouver une place à la mère de Nathan. Voilà, mère de Nathan qui est morte d'ailleurs, depuis quelque temps, depuis 2-3 ans, et son fils d'ailleurs a des remords parce que il n'était pas près d'elle. Pas très proche, quoi, il était trop absorbé par son boulot, etc. Voilà. Donc, c'est des révélations assez incroyables entre le père enfin, entre le beau-père et Nathan. Le beau-père emprunte la voiture de Nathan pour aller faire un tour en ville. Oui, le beau-père a aussi avoué à Nathan qu'il était alcoolique, qu'il avait été alcoolique. Voilà, c'est un choc aussi, bon. Donc il emprunte la voiture, puis en fait il a un accident avec. Parce qu'il est ivre-mort et une rechute de plus, il a bu, il a reconduit et il a renversé un gamin. Il revient difficilement à la maison, sa femme couche son mari, et puis Nathan prend la voiture pour aller voir ce qui s'est passé, parce qu'ils sont persuadés qu'il y a eu un accident. Et il tombe effectivement sur un accident, sur un petit garçon en vélo qui a été renversé. Nathan, dit au flic que c'est lui. Bon, voilà, il y a toute une histoire. Finalement, Nathan se dit qu'il va s'accuser parce que de toute façon, comme foutu pour foutu, autant que ça serve à quelque chose, alors que finalement le père de Mallory, bien que d'une génération, de la génération d'après, a plus d'années à vivre que lui. Donc voilà. Bon, maintenant, si on veut pas connaître la fin, faut pas l'écouter, hein. Bien sûr. Alors finalement, bon, je passe sur les détails, mais ça se termine bien avec le petit garçon parce que il s'en sort. En fait, Nathan appelle le messager qui voit l'avenir, en fait. Il touche le petit garçon, il voit l'avenir. Il voit que le petit garçon, il aura 20 ans, il fera du saut en parachute dans 20 ans. Enfin, bon. Bref, c'est un autre pouvoir des messagers. Donc tout va bien. Et donc Nathan ne risque plus la prison ferme, je crois que c'est ça. Cela dit, on s'en fout, on n'en parlera plus dans le livre. Alors, la femme, donc Mallory, a été rappelée suite à cette histoire. A été prévenue par ses parents, donc elle est les voir. Son beau-père lui a expliqué que Nathan se sacrifiait à sa place. Alors son beau-père lui dit de se rapprocher de Nathan, parce que bien sûr les deux hommes se sont rapprochés énormément suite à cette histoire. Lui, il est toujours contre l'alcoolisme, mais il a l'air sur la bonne voie maintenant. Enfin, il y a une petite scène qui le sous-entend. Elle retrouve Nathan, et puis voilà, c'est l'amour, quoi. Ça y est, ils couchent ensemble, ils font l'amour toute la nuit, enfin, au moins une fois. Une fois, je crois. Enfin, c'est déjà ça. La quantité qui compte. Et donc, là, on croit qu'il va mourir, parce qu'en gros, il s'endort dans ses bras, il a le cœur qui se serre, donc il pense que ça y est. Et puis, il se réveille le lendemain matin, tout va bien. Mallory, il apporte le petit déjeuner au lit, et là, qu'est-ce qu'il voit? Un halo lumineux derrière la tête de Mallory. Donc, il fonce voir le messager. En fait, il comprend il a la confirmation du messager, que lui-même, en fait, c'est un messager. Et que c'est à lui de préparer sa femme à mourir. Elle avait des analyses d'ailleurs en cours, machin. Et donc, il va devoir préparer sa femme. Voilà. Le médecin, le chirurgien qui lui explique ça, lui dit que lui aussi, c'est ce qui est arrivé. Il a perdu sa femme et c'est à cette occasion qu'il est devenu messager. Voilà. Donc, Nathan doit préparer sa femme et il lui restera sa fille. Voilà. Donc, il retourne vers sa femme et le livre s'arrête là. Voilà. Alors, j'ai cru voir qu'il y avait un autre livre de Musso qui s'appelle, alors j'ai oublié, alors c'est pas et après, ouais, non je sais plus, mais enfin il faudra que je regarde ça parce que peut-être que c'est une suite, ce serait étonnant, mais enfin on sait jamais, bon, autant qu'à faire, autant lire la suite quoi, parce que c'est la grande interrogation de l'auteur qui m'énerve un peu d'ailleurs. Mais qu'y a-t-il après? Qu'y a-t-il après la mort? Y a-t-il seulement quelque chose après la mort? Oh là là. Bon, bref. Bon, c'est pas d'un haut niveau philosophique, hein, on va dire, mais bon, c'est prenant. Et puis, moi, quand on me prête un livre, ça m'intéresse toujours par rapport à la personne qui l'a lu. Voilà. Voilà. Bon. Eh ben, c'était Guillaume Musso et après. Donc, un bon livre d'été, enfin, ou pas d'été, mais. À lire facilement, voilà, agréable, prenant, un style qui se veut un petit peu poétique ou l'impression qu'on pourrait faire un film, quoi. Ouais. Voilà. Oui, j'oubliais encore un point à propos de ce qu'il avait vu enfant. Lorsqu'il a frôlé la mort et qu'il a finalement décidé, parce que c'est l'impression qu'il a eue, il a décidé de rester. Il avait vu quelque chose. Donc j'avais dit tout à l'heure c'était quelque chose qui l'avait poussé à rester, mais que c'était douloureux et qu'il s'en souvenait plus, ou qu'il voulait plus s'en souvenir. Et puis à la fin, il est bien obligé de reconnaître devant le chirurgien, quand il apprend que c'est un messager, ben, il reconnaît qu'en fait, il a vu Mallory. Il savait que c'était elle, Mais il l'a vu des années plus tard. En fait, il l'a vu avec la tête qu'elle a maintenant. Et elle avait besoin de lui. Voilà, c'est ce qu'il a retenu. Donc elle avait besoin de lui, elle était en danger. Et en fait, donc on comprend que bon, il avait une mission, quoi. Et que dès lors, il devait rester, mais qu'il voulait plus se souvenir de ça parce que c'était l'annonce que sa femme allait mourir. Ou du moins qu'elle était en danger, enfin bon. Voilà, donc c'était quand même pour revenir sur ce point parce que ça manquait un peu à l'explication. Voilà.